marchait sur un fil. Depuis le Sahara, j'ai croisé des reptiles, des rapaces et des rats. J'ai marché sur un fil, entre deux continents, peu importe les villes, j'y ai trouvé des gens. J'ai marché sur un fil pour venir jusqu'à toi, et je suis tombé pile où tu ouvres tes bras. J'ai marché sur un fil, ballotté par le vent ou la peur infantile, m'aura cloué souvent. J'ai marché sur un fil, pour toucher les oiseaux, je m'y suis vu fragile, en frôlant leurs barreaux. J'ai marché sur un fil pour venir jusqu'à toi, et je suis tombé pile où tu ouvrais tes bras. J'ai marché sur un fil pour venir jusqu'à moi. Des moments difficiles me l'ont fait perdre parfois. Funambule anonyme, dans un théâtre fou, j'ai fait la pantomime pour venir jusqu'à vous. Et de fil en aiguille, tout ne tient qu'à un fil, mais dans tes yeux qui brillent, je me sens plus tranquille. Et de fil en aiguille, tout ne tient qu'à un fil, mais dans vos yeux qui brillent, je me sens plus tranquille.